Ça sera mieux, je crois, d'écouter le clavier. Et je sais plus si c'est on est un beau, ok, c'est bon. Thank you. Thank you.